une qui est venue à un séminaire, elle était assez cute, elle avait 25 ans, je m'en rappelle une fois. J'ai hâte qu'elle s'accroche. Elle est toute seule. Moi, je peux. Hein? Je sais pas comment est-ce que ça fait. Wow. C'est lui, c'est lui. C'est lui, il y en a. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Ah, mais je dis après le séminaire ou avant? Avant. Vous, vous connaissiez avant? Mais ça a cliqué après. C'est qui dans le sens qu'on le comprend, nous autres? Ouais. Hein? Parce que moi, je me rappelle, vous avez vu une journée et j'ai fait un commentaire. Puis c'est après cette journée-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vrai ou pas vrai? Vous êtes chanceux, là. Oui, moi j'ai fait 2000 milles pour marier ça. 2000 milles, je suis déjà chanceux. Nous autres, on a une traversée du coup. C'est ce que c'est quand même dit qu'elle est encore gênée. Ta femme. T'en connais. Ça prend 2 ans, il n'y a plus de gêne après 2 ans. Puis la gêne, c'est comme c'est une retenue d'énergie. La gêne. C'est une retenue d'énergie. Ils sont tous gênés un petit peu. 2 ans, il n'y a plus de gêne. C'est pas par rapport à un balancement, ça. Par rapport à nous deux. Ah, il dit par rapport à elle-même. Par rapport à elle-même. Ouais. Parce que des fois, moi, je n'ai pas de gêne pendant, des fois, je suis gêné. Ouais. Ah, mais toi aussi, tu as de la gêne. Oui, oui. Ah, oui. Oui, oui. Tu vas mettre un petit peu en dedans, en te cachant un petit peu en dedans. Elle sort, t'en vas. Et des fois, qu'elle bloque complètement. Ouais. Une autre fois, ça ne me dérange pas pendant tout le temps. Ouais. Mais toi, ta gêne, c'est interne. Mm. Ça n'a pas l'affaire de tester rien. Non. C'est comme vibratoire. C'est vibratoire, exactement. C'est un peu de vous allez se parler, c'est pour être belle. Ouais. Elle est bien. Elle est bien, ça. C'est calme, ici. Elle a toujours été bien dans la maison. Toujours été bien. On est tous dans la maison. Moi, j'aime que les gens soient à l'aise. Quand ils viennent à la maison, là, comme ça, quand les gens disent, on se sent bien, ici. Se mettre à l'aise, on peut se parler. Elle a tout intériorisé son énergie. Je me rappelle quand elle a commencé à la porter aussi. Elle ouais, mais j'ai vu qu'ils sont peut-être à soirée. Moi, j'étais tellement habitué de parler comme quand je parle plus, je sais plus comment. Tu parles du respect. Il faut pas me danser avec ma marbette. Je vais appris à danser. J'ai appris à changer les choses. Tu parles du respect. Le respect, ouais. Disons, on va parler du respect. Le respect au niveau des enfants. C'est le respect au niveau des adultes. Dans l'éducation des enfants, le respect, c'est